بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم اكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي الدرس السابق dans le cours précédent on avait pu prendre le second fondement وهو الأمر باجتماع في الدين الله عز وجل والنهي عن التفرق فيه. On avait pu voir que التفرق se divisait dans la religion. Il y avait plusieurs anouars, catégories, situations et sortes de division dans la religion. On s'est arrêté à peu près sur ça et on avait évoqué quel est le cas dans le dernier cours que التمذهب, c'est-à-dire يعني, parmi les fruits de عدم الاجتماع في الدين الله عز وجل, de ne pas s'accrocher aux preuves du kitab et la sunna, ça peut donner une naissance à une division, comme c'est le cas de At-Tamazhub, le fait de prendre un mazhab particulier, une méthodologie particulière dans l'apprentissage de la religion. Et ça, c'est le fruit du tafarruq fi dinillahi azawajal, et le fait de ne pas se cramponner au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa At-Tamazhub, kadhalika, ça rentre dedans, comme on a pu voir dans At-Tafarruq, yani fi dinillahi azawajal. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Il n'y a aucune personne qui serait capable de dire que التمذهب ça fait partie du حبل الله سبحانه وتعالى. Comme on a pu voir حبل الله عز وجل, qu'est-ce qui est voulu dans حبل الله? القرآن والسنة. القرآن والسنة كذلك الإجماع. نعم. الإجماع. فا y'a pas de إجماع, y'a pas de preuve de la kitab ni de la sunna qui montre cela. Donc ça fait pas partie des choses dont Allah عز وجل nous a ordonné de s'accrocher. Donc ça fait partie des choses qui vont diviser, parce que en dehors de la vérité, الحق, on ne trouve que l'égarement. Fait tamadhub, c'est un égarement. Fait ma'ada ba'da al-haq, et le haq, c'est le kitab al-sunna et l'ijma, il l'a dalal. C'est en dehors de cela, c'est de l'égarement. Et c'est clair et net que c'est l'égarement. Il y avait des choses que je voulais rajouter, et il y avait des points qu'il fallait éclaircir aussi par rapport au tamadhub. Lakin, j'ai oublié c'était quoi les points là. Khair, inshallah, tabarak wa ta'ala. On s'est arrêté où? On a fini le. On devait commencer le troisième fondement. Le troisième, hein? Non, on avait vu celui qui appelle à l'union et les prix soit pour un zindir, soit pour un mujnum. Exactement. Yani, staqlib al-haqa'iq. On a pu voir que ça fait partie des simat, des halamat, des signes d'ahl al-bida. Lorsqu'ils sont incapables de répondre yani, scientifiquement, eh ben, ils prennent recours aux injures et à dénigrer les gens. Comme c'est le cas avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah azzawajal les a mis au défi de ramener une ayah min kitabillahi azzawajal, ou bien dix versets yani semblables au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils n'ont pas pu faire cela, et bien ils ont recours à l'insulte, à l'injure, au dénigrement, majnoun, sahir, kazzab, ilakhri. Enfin, ça c'est la même chose, c'est sunnatul al-mukadzibin, sunnatul al-ajizin, ils ont recours à ça, à insulter les gens, enfin, à zindiq. Comme on a pu voir, c'est celui qui, dans le naqid, il est wadih de l'islam, mais malgré cela, il s'accroche encore, enfin, il prétend encore être dans la religion. Enfin, celui qui a le kitab et la sunna, entre les mains, qui a l'épreuve du kitab et la sunna, lorsqu'il expose une chose, on ne peut pas le qualifier par étant zindiq, ou bien quelqu'un qui est majnoun. Parce que ça, c'est, fil haqiq, quand tu creuses un peu dans l'histoire, c'est injuré aussi qu'avec le kitab, parce que tu fais. Toi, tu ne fais que de transmettre, en fait. Tu dis, Allah a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Donc, si on te dit que t'es un zindir, c'est-à-dire que c'est grave. Yani. Parce que, où j'ai puisé ces paroles-là, c'est pas mes paroles, c'est la parole d'Allah et le prophète. Je suis juste un... Je fais que transmettre. Donc, c'est le haqiq, quand un jour, elle revient à Allah. Parce que tu fais que transmettre la parole d'Allah et celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est grave. Naam, là, ça m'est revenu. كذلك كما on avait parlé par rapport à النهي عن التفرق فيه. نعم. Ça c'est important. Parce que certaines personnes ils vont dire, lorsque quelqu'un est dans l'erreur, ne le réfute pas. Parce que si jamais tu le réfutes, ça va faire une division dans la religion. Ça va diviser. On dit non. Celui qui est en train de diviser, c'est celui qui s'entête dans l'égarement. Parce que lorsqu'on lui éclaircit les preuves du kitab et la sunna, il doit revenir. ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما un, il ne doit pas trouver de gêne lorsque tu l'exposes la vérité, dans son cœur doit être apaisé par la vérité. Et Samuel, il faut qu'il se soumette. Oui, Salim ou Taslim, elle n'a pas le droit de Diadel. S'il continue, c'est lui qui a voulu chercher la division. Le Cheikh Saïd Dahas, rahimahullah ta'ala, a bien appuyé ce point-là, que celui qui s'entête dans l'égarement, c'est celui qui prend le fardeau de tout ce qui va en découler de cette division-là. Par au fait qu'il s'est entêté dans l'égarement. C'est-à-dire que la division, c'est lui qui l'a faite. Amma, celui qui vient et qui bayane, il a discerné entre le haq et le batil. Et ça, c'est l'abud d'amin. Min asma al-kitab, c'est le furqan. C'est celui qui discerne le haq du batil. Fait, c'est ça le fond de l'exposé. C'est afin de discerner entre le haq et le batil, montrer qui est sur la vérité et qui est sur l'égarement, afin que les gens s'en écartent et soient avertis. Fait, c'est lui qui prend les péchés. On ne dit pas tais-toi et. La hikmah, c'est qu'on soit unis. Non, la hikmah, c'est qu'on soit unis fil kitab, comme on a pu voir. Fahada, c'est un tenbé aussi, parmi les choubouhats, yani, fi hada al-asr. Yani, de se taire, parce que sinon, ça fera une division, c'est faux. Yani, on doit exposer. Le Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, hatta, il a évoqué que si jamais le alim, ou bien le hakim, il fait une erreur, on se doit de la réfuter. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد يعني في الجزء 9 باج 123 فقال رحمه الله تعالى قال يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه on se doit d'éclaircir la haq la vérité qui doit être suivie قال وان كان فيه بيان خطا من اخطا من العلماء والامراء et même si jamais ça implique d'exposer l'erreur de ceux qui se sont trompés parmi les ulama ou bien parmi les umara. Lakin, on réfute comment s'appelle l'erreur, pas l'alim. Lorsqu'on réfute son erreur, on ne cherche pas à le dénigrer lui. On cherche à réfuter l'erreur afin que les gens ne tombent pas dedans, même si jamais il fait partie d'Ahl al-Sunnah. À partir du moment que ce alim, tu n'as pas les moyens de l'avertir de cette erreur-là, donc toi, tu te dois d'exposer la vérité. Ah ben, si jamais tu as la possibilité de parler avec lui ou bien de lui envoyer un message, de lui dire voilà, il s'est trompé et que lui, il revienne. Il y en a ouvertement en public, ça c'est mieux. Ça évite les problèmes. Lakin, quand on dit ça évite les problèmes, c'est-à-dire que généralement, comme il a dit Shaukani, lorsque c'est un plus petit qui montre l'erreur du plus grand, donc il va dire ce petit, comment il se permet de parler, ceci, cela, tu vois. Ce genre de choses-là, malgré que toi, tu as fait ton devoir. Celui qui voit un munkar, il se doit de le modifier. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, il a une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se dise, je suis talib et je ne suis pas concerné. Le talib, il est concerné. Tout musulman, il est concerné lorsqu'il voit un munkar. À partir du moment qu'il sait que c'est un munkar et qu'il a la preuve ou bien la hikmah pour pouvoir la modifier ou bien l'exposer, il doit le faire. C'est obligé. C'est un devoir pour tout musulman. Enfin, comme tu peux le voir dans ce nas de Cheikh l'Islam, il montre bien que l'erreur se doit d'être réfutée. Quoi qu'il en soit. Même si jamais l'erreur elle a été faite par un hakim, ça ne rentre pas dans le fait de dénigrer le hakim. Je ne parle pas sur le hakim. Lakin, مثلاً, il a fait une erreur. Il a légiféré maintenant l'alcool, tu dis l'alcool est interdit maintenant. Sans rentrer dire le hakim, il a fait ceci, cela, ceci. Yani, tu dis l'alcool c'est interdit, l'abud d'amin. Il faut qu'on fasse la différence entre ça et ça. Yani, de montrer l'erreur et de parler sur le hakim. Montrer l'erreur, ça c'est obligé. Parler sur lui, ça c'est une chose qui ne fait pas partie de madhhab Ahl al-Sunnah. Donc lorsqu'il dit, yani, même si jamais ça implique de montrer l'erreur de ceux qui se sont trompés par les ulama et les umara, c'est-à-dire que tu montres l'erreur sans parler du halim et uniquement dans les cas du hakim. Amal halim, si jamais il fait partie de l'al-sunna, tu ne parles pas sur lui, tu montres juste l'erreur. Si jamais c'est quelqu'un qui est ma'rouf, mais ahl bida, tu mets en garde contre lui. C'est un fichier dans son dossier encore, pour montrer que cette personne-là, il faut s'écarter de lui. Donc on profite aussi pour remettre une couche sur ce halim-là qui est firdalal et de dire qu'il faut s'en écarter et l'akhiri. Mais à l'âge de sunnah, tu montres que la fait une erreur d'interprétation, ceci, cela, et celui qui a la possibilité de pouvoir lui de pouvoir le contacter afin qu'il revienne ouvertement et l'akhiri. Lakin, la bouddha min al-bayan. Ça, c'était une parenthèse par rapport à la shubha que certaines personnes peuvent dire. Faut pas réfuter, parce que réfuter, ça fait partie de la division. Là, ça fait pas partie de la division. À partir du moment qu'il est sincère dans son os, il recherche à exposer la vérité, il recherche le ajr, indallah ya azza wa jal, et de préserver ses frères de l'erreur. Fahad alayhi alayhi illa al-khair. Naham. Et kadhalika, on va évoquer celui-là, parce qu'il est bien aussi. Par le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, qui m'a fait ital et tahlil, la page 159. فنقل الاتفاق رحمه الله تعالى على وجوب إنكار الخطأ المخالف للكتاب والسنة والإجماع. نعم. إلى بكار رحمه الله تعالى الاتفاق c'est-à-dire l'unanimité des ulama sur l'obligation de réfuter l'erreur qui s'oppose au kitab, à la sunna, à l'ijma. Et dans ce naql là, dans cette parole là, on voit bien, comme on a pu voir, que les usul de adilla, ce sont ces trois choses là, le kitab, la sunna ou l'ijma. À partir du moment qu'une chose contredit une de ces trois bases-là, là c'est un égarement. Enfin, ça c'est pour finir, inshallah, ce deuxième fondement qui est très très important. Al-ijtima' fi din wa an-nahy 'an at-tafarruq fi. Qala rahimahullah. Qala al-asl al-thalith anna min tamam al-ijtima' as-sam' wa at-ta'ah. As-sam' wa at-ta'ah liman ta'ammar 'alayna. ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرحا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. نعم. فكذلك parmi les fondements, un des fondements parmi les fondements de l'islam, كما قالها هنا الاجتماع يعني السمع والطاعة في الحقيقة. Ça en découle de l'ijtima' fi din. Il ne peut pas avoir un ijtima' fi din si jamais il n'y a pas de sam'a wa ta'a. Parce que s'il n'y a pas de sam'a wa ta'a, il n'y a pas d'amn. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Tu ne peux même pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais il n'y a pas l'amn, فالإنسان, يعني, c'est très dur qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bel, c'est très dur qu'il puisse même sortir de chez lui. Comme on a pu le voir avec le soi-disant printemps arabe, Arabi al-Arabi. Tous les dégâts que ça a pu faire, les meurtres que ça a pu faire, certaines personnes ne pouvaient même plus sortir de chez eux parce qu'il n'y avait plus de sécurité dans les rues. Al-insan, l'estatea ya badullah azza wa jal. S'il n'y a pas d'âme, il ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Fahada se min tamam al-ijtima'a fi din. Afin d'être unis dans le fil haq, min tamam min dhalika, il faut une sécurité. Il faut une paix. Et ça passe par le fait d'écouter et d'obéir. لمن تأمر علينا de ceux qui ont le pouvoir sur nous. والمراد بذلك c'est l'umara. أما العالم il n'a pas de pouvoir sur nous excepté le fait de bayan. العالم sa wazifa, sa place dans la société, c'est le fait de bayan, d'exposer aux gens. أما القاضي ou bien الأمير c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui a le pouvoir si jamais tu ne te plies pas à son ordre, de te mettre en prison ou bien de te punir. Amal Halim, il n'a pas la possibilité de te punir. Lui, il a la possibilité seulement de faire un dua contre toi ou bien pour toi ou bien de bayen. Amal d'appliquer ces sanctions-là, ça ne vient pas, ce n'est pas de son ressort. Man ta'amara alayna, c'est le hakim. Alladhi ittafaqa kalimat al-muslimin alayhi. C'est lui qui a pris le pouvoir. Celui qui a pris le pouvoir. Officiellement, c'est lui qui est le Al-Hakim. Et ça passe par le fait que si jamais tout le monde est d'accord, ou bien même si jamais il a pris Bithawara, il l'a pris injustement, mais officiellement c'est lui qui est devenu le Hakim. Enfin, lui aussi, quand on lui doit de As-Samh wa Ta'a, comme il dit là, لمن تأمر علينا سواء كان حقا أو ظلما. Celui qui a pris le pouvoir, que ce soit injustement ou bien yani de justement. Yani, je ne sais pas si ça se dit. Non. Enfin, on se doit de l'écouter. Celui qui a pris le pouvoir, on se doit de l'écouter. Naam. قال ولو كان عبدا حبشيا. Parce que يعني من الشروط للإمارة, il faut que cette personne-là soit حر. que ce soit pas un esclave. كذلك حبشيا لأن الإمارة يعني في الإسلام على قريش. الإمارة في الإسلام على قريش. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un qui est hur et qui est qurashi, c'est lui qui se doit d'être al-hakim. وجل أدلة في ذلك في السنة الصحيحة نعم. فقال الإمام البهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة يبين في ذلك أصول أهل السنة فمن أصول أهل السنة فقال الخلافة في قريش أي أنهم يعتقدون ذلك إلى أن ينزل عيسى بن مريم كالإمارة المستمرة في قريش وهذا يعني مما عليه العلماء وأهل السنة والجماعة وهذا بالاتفاق لم يبقى خلاف بينهم نقل الاتفاق على ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى que l'imara, la gouvernance, a revient à Quraysh. Et Ja'a, عند l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, ou al-hadith, il y a un hadith ibn Umar, قال, قال النبي, صلى الله عليه وسلم, Quraysh, قدات الناس في الخير وشر, إلى يوم القيامة. Quraysh, قدات الناس. Quraysh, ce sont les gouverneurs. في الخير وشر. Qui soit injuste, ou bien qui soit, يعني qui soit juste. إلى يوم القيامة. Et cela jusqu'à يوم القيامة. والحديث est صحيح. قريش قدات الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. والحديث عند الترمذي. ومن حديث يعني متفق عليه نسيت الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الشأن. Les gens suivent قريش dans ce شأن qui est quoi? الإمارة dans la gouvernance. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد رحمه الله قال لا يزال الناس أو لا يزال الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنين. Cette affaire-là ne cessera d'être entre les mains de Quraysh. يعني même si jamais on trouve que deux personnes. Si on trouve le Quraishi, c'est le Quraishi qui prend la gouvernance, même si jamais l'autre il est adl et l'autre ne l'est pas. ثم بين لماذا يعني pourquoi cela فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقريش مثلي قوة الرجل من غير قريش أي قريش الله سبحانه وتعالى leur a donné dans la gouvernance يعني la force il a décuplé leur force يعني ils sont deux fois plus forts ils ont deux fois plus de caractère de charisme يعني que d'autres personnes du غير قريش parce que ça suffit pas d'avoir du ilm يعني pour prendre le comment s'appelle le gouvernement il faut qu'Alaïka avoir une main forte il faut savoir être juste et bon dans comment s'appelle dans les instants qu'il le faut et il faut qu'Alaïka faire preuve de dureté quand il le faut فهؤلاء ils ont le charisme ils ont la القوة لذلك فذلك قال سبحانه وتعالى يعني في الأنبياء qui sont eux يعني قدات الناس فوصفهم بشيئين فقال أولي الأيدي والأبصار قال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي c'est ceux qui ont la قوة والأبصار c'est ceux qui ont البصيرة في الدين يعني qui ont du علم ف يعني pour être يعني parmi les قضات يعني الكمال فيه c'est d'avoir la force et d'avoir يعني الحكمة c'est-à-dire العلم si jamais c'est pas le cas يعني il va avoir un ضعف يعني في هذا الحاكم si jamais il a une clairvoyance, laquelle il n'a pas d'aïdi, c'est-à-dire il n'a pas de force, il n'a pas de charisme. Il est trop doux. Farada, il va se faire manger. Il n'aura pas la possibilité de bien mettre en place les sanctions, ou bien de... Ça va être dur pour lui. Et celui qui ira, yani al-kouwa, laquelle n'a pas de rime, Farada, il va faire du zulm. Amma, celui qui a baina al-aïdi, baina al-rime, Farada, ce sera al-hakim, al-hakim. Celui qui sera sage, il va placer la dureté quand il le faut et la douceur quand il le faut. Enfin, Cheikh Yahya Hafizahullah Ta'ala, qu'on était passé sur le tafsir de Hadith al-Ayah, il avait évoqué que l'abouda min dharik, yani hatta fi du'ati l'Allah Azzawajal, yani ceux qui appellent Allah Azzawajal, il se doit d'avoir ces critères-là. Fa kullu ma kamula ces critères-là, plus il aura de la science et plus il aura de al-kuwa, c'est-à-dire celle qui va l'utiliser quand il le faut, ce da'i-là, il aura du khair. Il sera sur le même statut que les Anbiya. Ça c'est l'adilla, certaines des adillas qui nous montrent que Quraysh, c'est eux qui doivent avoir la gouvernance. C'est pour ça qu'il a dit Walokana Abdan Habashiya. C'est-à-dire que si jamais celui qui nous gouverne, il ne devrait pas être le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les chourouts par rapport à cela, parce qu'il est abd, il faut qu'il soit hur, c'est un esclave, il ne faut pas qu'il soit un esclave. Et en plus, c'est un ajnabi. Mouhatta Lukana Arabi, il faut que ce soit un Qurashi. C'est le Qurashi hein, qui est plus en droit de prendre le hukm. C'est pour ça qu'il a évoqué ici, Walokana Abdan Habashiya, même si jamais c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être le gouverneur, mais officiellement c'est lui le gouverneur, on se doit de l'écouter. On se doit de l'écouter. As-sam wa ta'a, parce que malgré le fait qu'il n'a pas rempli cette condition-là, dans le fait de l'écouter et de lui obéir, il y a un khir qui est azim jiddan, qui est la paix et la sécurité dans le pays. Et les ulama, ils ont évoqué que une nuit sans hakim est bien plus pire que de passer 1000 nuits avec un hakim kazalim. Parce que cette nuit-là, ce sera la nuit de la fawda. Il n'y aura plus de ham, il n'y aura plus de dhabt. Chacun va faire, c'est l'anarchie. Chacun va faire ce qu'il veut. Ça va être la fawda, il y en a totale. Une nuit sans hakim est bien plus pire que 1000 nuits avec un hakim qui est quoi? Qui est zalim. Parce qu'au moins, il y a la paix. Il fait régner la paix et la sécurité sur le... sur ce pays-là. Alladina immakkannahum fil ard aqamu salah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ça c'est leur wadhifa, de faire régner la sécurité et l'ordre dans leur pays. Et si jamais c'est pas le cas, ça va être le on pourra pas avoir Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a évoqué parmi les ni'am qu'il a donné à Quraysh, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amalahum min khawf. C'est une ni'ma. Une ni'ma d'être en sécurité. Min al-khawf wa min al-qalaq wa amanahum min khawf. Il évoque là les bienfaits qu'il a donné à Quraysh. Parmi cela, le fait qu'ils sont amin, ils sont en paix. Enfin, la paix, c'est important. Et dans le hadith, il est venu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما في بعض الطرقات. فنبي صمي إلى ذاك يعني فهم لن يحم تم قال من أصبح منكم آمنا تم celui qui est en paix في سربه يعني peut adorer الله سبحانه وتعالى il est en sécurité معافى في جسده الله سبحانه وتعالى لا يبعني de la maladie عنده قوت يومه il a de quoi manger en ce jour. C'est comme si jamais on lui avait donné la dunya, il y en a dans son intégralité. Pourquoi? Parce qu'il est en paix. Il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que la raha, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Même si jamais il est pauvre, là, le fait qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est meilleur que la dunya wa ma'a fiha. Le fait de faire juste rak'atayn, rak'atayn as-subh, c'est meilleur que la dunya wa ma'a fiha, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc que dire de celui qui fait siyam, de celui qui fait les 5 prières obligatoires à la mosquée, dans ses heures, c'est encore mieux que de dunya. Lorsqu'il est en sécurité, lorsqu'il est en paix, il adore Allah subhanahu wa ta'ala bi raha wa bi khair. C'est important. Ça montre que le fait d'être en paix, c'est important. Ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadhafiriha. Être en paix, c'est comme si jamais on t'avait donné en contrepartie la dunya bi hadhafiriha. C'est une ni'ma qui est azima jiddan. Fa as-sam'u wa at-ta'a, ça fait partie min tamam al-ijtima' fi ad-din. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit d'écouter ces umara et les hadith fi dhalika sont shadida. Wa la darab dhahrak ila akhri, même si jamais il te prend tes biens et il te frappe bien injustement, tu dois patienter, parce que même si jamais il te fait du mal, il est injuste envers toi-même, le fait que toi tu te rebelles contre lui, tu vas faire un fawda yani fi an-nas jami'an. Fait le char, il va toucher la communauté musulmane. Ça montre ni l'importance qu'a dhalika de écouter et d'obéir. Comment s'appelle Umara? Naam. Samaqa rahimahullah ta'ala. Qala fa bayyana Allah hadha bayanan shafiyan kafiyan. Fa Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué cela d'une manière claire, nette et précise. Tam. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum. Fa fi hadhihi al-aya Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, si jamais on est véritablement des mu'min. Faqala ya ayyuha allazina amanu ay anna al-iman tam yaqtadi d'obéir, de se plier, de se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de Shu'ab al-Iman. Qala ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa uli al-amri minkum. Les ulama, ils ont constaté qu'il n'a pas évoqué yani wa ati'u uli al-amri minkum. Il n'a pas répété. Malgré qu'avec Ar-Rasul, il a répété ati'u Allah. Ensuite, il a dit wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux qui ont la gouvernance. Il n'a pas dit et obéissez à ceux qui ont la gouvernance. Ça, c'est pour nous montrer que ta'atu hawala al-umara, sam'a wa ta'a lakin, c'est muqayyad. C'est restreint une chose. Bil ma'ruf, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala innama ta'ata bil ma'ruf. On doit obéir dans le convenable. On ne doit pas obéir fi marsiya. Comme fi al-hadith al-sahih, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata lil makhluq fi marsiya til khaliq. On ne peut pas obéir au makhluq, mais cela implique de désobéir al khaliq. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah-là, il n'a pas répété wa ati'u ulil amri. فقال لأن طاعة الله وطاعة الرسول على مستقلة. أما طاعة هؤلاء ça dépend. On doit les obéir si jamais eux ils nous ordonnent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont ordonné. Amma si jamais il appelle à des choses dans lesquelles c'est une mukhalafa, يخالف الكتاب والسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا السمع والطاعة. On ne doit pas les écouter. فالسمع والطاعة لمقيد. C'est pas dans toutes choses. Si jamais ils nous ordonnent la désobéissance, on ne les obéit pas. Et on doit patienter par rapport à cela si jamais il nous punit, il a créé, comme ça a été le cas avec l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'ils ont voulu l'obliger de prononcer et de dire que le Coran est le makhluq, فَأَمَرَهُمْ بِمَحْسِيَةِ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ. C'est un djihad. C'est un djihad. قَالَ الْإِمَامَ الْعَسَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهِ. Il était comme un mujahid fi sabilillah. Parce que là, la plupart des ulama à cette époque-là, ils avaient tous utilisé At-Tuqiyah, Tamatadlis, At-Tawriyah. Certains, ils avaient même répondu Yani bil-lisan, la bil-qalb. C'est Yani, Allah Azzadel a légiféré de pouvoir prononcer la mécréance si jamais on est contraint. Et certains, ils ont répondu par contrainte. Comme c'était le cas de l'imam Yahya ibn Ma'in, l'imam Yani dans le hadith. L'imam Ahmed, même, il a une rancœur par rapport à cela, il n'a pas apprécié qu'il n'a pas patienté, yani. Qu'il n'a pas prononcé la vérité et qu'il s'est plié à la contrainte. Yani. Il n'avait pas apprécié cela parce qu'il s'est retrouvé tout seul yani, dans cette fitna-là. Il s'est retrouvé tout seul à la fin et lui, il ne pouvait pas utiliser la contrainte dans le sens où il aurait dit oui, voilà, j'admets et j'acquiesce que le Coran est le makhluq. Il ne pouvait pas. Parce que là, il disait c'était comme le Al-Mujahid fi sabilillah qui ne pouvait pas revenir sur ses pas lorsqu'il est dans le combat. Parce que si jamais il aurait répondu, peut-être la Ummah l'aurait suivi. Il y a l'imam Ahmed, il y a l'imam Salat. Ils auraient dit l'awam, tous les ulama, ils ont répondu, ils ont dit que le Coran est le makhluq, donc ça aurait fait une grande fitna. Donc là, il se retrouvait comme un mujahid qui est devant l'adou, qui est en face de lui, et dont Allah Azzawajal lui a ordonné, a interdit de retourner sur ses pas. Donc il ne pouvait pas revenir, il devait patienter. Hada kadhalik, as-sam'a wa ta'a, il est muqayyad par al-ma'ruf. Si jamais c'est pas le cas, on doit désobéir à ces personnes-là, et même si jamais ça implique qu'on doit se faire punir, sanctionner, il faut patienter, il faut se rappeler ceux qui ont été sanctionnés et punis avant nous. Ashab al-Ukhdud, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Ils ont été jetés dans le feu. C'est quoi leur péché? Ils ont juste cru en Allah Azzawajal et en leur messager. Ils ont été punis l'akhiri. Enfin, on se rappelle de ces personnes-là qui ont été punis fillah, qu'ils ont été châtiés, yani fillah ya azza wa jal. Fa lana fi dhalika uswa wa yani in tasliya. C'est un réconfort. Yani, tu vois fil haqiqa que toi, yani ce qui t'arrive, yani c'est rien du tout par rapport à ceux qui t'ont précédé. Fa sam'u wa ta'a liman ta'ammara alayna ay bil ma'ruf. Naam. Wa bayyana kadhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a pas évoqué, lakin kadhalika الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كما في حديث غير متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المرء المسلم أي يكون على المسلم السمع والطاعة d'écouter et d'obéir فيما أحب وكره, que ce soit parmi les choses qu'il aime ou qu'il déteste, il doit obéir. قال إلا أن يؤمر بمعصية. قال فإذا أمر بمعصية فلا السمع ولا الطاعة. Si on lui ordonne de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit obéir et écouter dans les choses qu'on aime ou les choses qu'on n'aime pas. Il se doit d'obéir, c'est tout. Intahina. Tam. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man khala'a yadan min ta'a laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata lah. Voilà, c'est important. Car il y a un hadith rahu muslim. Man khala'a yadan min ta'a, il voit que son amir est injuste. Tam. Il veut se désavouer de ce amir. Man khala hayadan, c'est-à-dire qu'il ne le considère pas comme son amir. On ne parle pas d'une personne qui est en train de monter les gens contre le amir. Muzahara ila akhirihi wa le khuruj alayhim. On parle de celui qui, dans son cœur, c'est-à-dire qu'il a l'intention, même il a intentionné, que cette personne-là, ce imam-là, c'est plus mon imam, c'est plus mon amir. Il se désavoue de lui. Même si jamais il n'appelle pas les gens à se désavouer de lui. Lui-même, faqat. فَقَالَ مَنْ خَلَ عَيَدًا مَنْ طَعَ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةَ لَا حُجَّةَ لَهُ. L'yama al-qiyama, on lui demandera, parce que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'obéir à cette personne-là. On va lui demander pourquoi tu t'es désavoué de cette personne-là. Il n'aura pas d'excuse. قَالَ لَقِيَ اللَّهَ لَا حُجَّةَ لَهُ. Il n'aura aucune excuse pour cela. Il doit patienter. Il l'a rejeté simplement dans son cœur. Dans son cœur, خلاص. Parce que là il dit man khala yadan, c'est tout, faqat. On parle pas de ceux qu'ils appellent à sortir contre les gouverneurs, ça c'est encore pire. Non. Ça c'est encore pire. C'est seulement celui qui l'a rejeté dans son cœur. Rejeté, faqat. Même s'il est tout seul. Naham. Hadha la yajuz. Il doit lui obéir. Naham. Il doit lui obéir et patienter. Patienter par rapport à sa désobéissance et faire des doha pour lui. Ça c'est notre droit, il y en a sur ce hakim. Le hadith fi muslim, donc le numéro 273 1851. Kadalika, pourra bien appuyer. Et celui qui meurt le jour où il meurt, walaysa fi unuqihi bay'atan, c'est-à-dire que il s'est désavoué de cette personne-là. Tam. Il n'a pas considéré comme son amir. Qala mat la mat mitatan jahiliya. Il est mort de la manière des gens de Ahl al-Jahiliya. Yani fawda. Ou une autre, yani fi riwaya man mata wa huwa mufariq lil jama'a. Ça c'est encore pire. C'est-à-dire mufariq, c'est-à-dire qu'il a voulu diviser entre le peuple et le gouvernement. Qala fa innahu yamutu mitatan jahiliya kadhalika, lakin hada ashad. Parce qu'il va prendre les péchés des autres aussi. Vu que c'est lui qui a lancé cette mouvance-là, donc il va prendre le péché de tous ceux qui ont suivi sa mouvance. C'est encore pire. Il aura une ziyada fil ism. Wal-adilla fi dhalika kathiratun jiddan. Hadith Abi Huraira, عند مسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك منشطك ومكرهك وأثرة عليك. Tu te dois d'obéir et d'écouter في عسرك, lorsque c'est difficile pour toi. Au bienfait yusrika, de l'obéir et de lui écouter quand c'est facile, et quand kadalika c'est difficile. Lorsqu'il nous oppose, il nous impose maintenant les assurances dans certains pays, tu es obligé d'assurer ta voiture. Ça c'est une chose que tu détestes. Parce que la yalouz, ça fait partie de akla amulanas bil batil. Lakin là tu n'as pas le choix. Dans le sens où si jamais tu n'es pas assuré, eh ben tu ne peux pas rouler. Si la police t'attrape, ils te mettent ta voiture à la fourrière, ou je ne sais plus c'est quoi l'histoire. Al-Muhim, tu peux pas faire autrement que ça. Et tu fais une doa pour lui si jamais c'est un gouvernement musulman. Mais si jamais c'est un gouvernement qui n'est pas musulman, c'est de voyager, hijra. Qala at-ta'a fi usrika, dans la simplicité. Qala wa atharatin alayka, c'est-à-dire lorsque le gouverneur il est vraiment injuste. C'est-à-dire qu'il prend tout pour lui et il nous laisse les miettes, comme on dit. Fahada kaza les cas, tu dois patienter. D'autres, c'est wa in darab al zahrak wa akhadha malak. Même s'il te frappe injustement, il te prend tes biens injustement. Il faut patienter. Ça, c'est très très dur, lakin, c'est il faut patienter. T'as pas d'autre choix que de patienter et de faire dua. Ça fait partie de la min usul min tamam al-ijtima'. Tam as-sam' wa at-ta'a kadhalika min tamam al-ijtima' de faire des dua. Wal hakim. Le hakim qui est injuste. Et ça fait pas partie min simat al-sunnah de faire des dua contre eux. Comme l'a évoqué l'imam al-Bardahari rahimahullah ta'ala. On doit faire des dua par l'imam Mahmoud. Si jamais j'avais une dua, je savais qu'elle était mustajaba, je ferais une dua pour le hakim. Pourquoi? Parce que si jamais cette dua-là l'est acceptée, elle est exaucée, ça sera un khair qui va toucher, qui va me toucher moi, et qui va toucher aussi la communauté. Donc un khair qui va être grand, immense. Ah, moi, si je fais une dua pour moi, ben ce bien-là va me toucher que moi. Si je fais une dua pour le hakim, ça va me toucher parce que je fais partie de la communauté. Ce hakim-là sera bon, et il va être bon envers la communauté. Donc ça va être un khair qui va être yani haram. C'est-à-dire que le musulman ne pense pas que pour lui. Il pense qu'il y en a pour les autres. Il a montré que un musulman, les musulmans qu'elle bonne. C'est comme un seul corps. Donc le bien qu'il veut ressentir, il faut que aussi il ait ce bien-là pour les autres. Il le veuille yani pour les autres. Comme a dit le Messager, la yumna hatukum hatta yuhib li akhi ma yuhib li nafsi. Min tamam al-iman, d'aimer pour les autres ce qu'il aime pour soi-même. Enfin, ça, c'est parmi les adillas qui nous montrent clairement que c'est ce asl-là, c'est un fondement parmi les fondements de Ahl sunnah, le fait d'écouter de As-Sama wa Ta'a. Dans les kutubs, de Haqida, cette mas'ala-là, elle est évoquée, ce asl-là, il est beaucoup évoqué. Il est beaucoup évoqué parce qu'il y a beaucoup de mukhalafa par rapport à dhalika, min al-da'ash wa al-qa'ida wa ila akhiri. Bal, hatta qala l'imam Abu Qidaba rahimahullahu ta'ala, مبتدح قوم إلا استحل السيف. Tout, yani أهل البدع, ils ont chacun une, yani un égarement dans lequel ils se sont spécifiés. Lakin, ils sont tous unanimes sur quoi? Sur cet égarement-là qui est de sortir contre le hakim. Tu trouveras pas une personne من أهل البدع qui a pas cette حقيقة de خارجي. فأهل البدع في الحقيقة كلهم خارجيون. Pourquoi? Parce que la plupart des choses qui les ont fait sortir de la sunna, c'est dunya. Par rapport à la dunya. Quand tu vas creuser, regarde bien, tu vas voir cette dunya. Al-Khawarij, l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il a évoqué les hadiths qui en fait le Khawarij dans Kitab al-Zakah. Les ulama se sont dit, c'est quoi la munasaba? Pourquoi il a évoqué les hadiths qui en fait le Khawarij dans Kitab al-Zakah? Ils ne voyaient pas le lien entre les deux. Ils ont dit les ulama parce que le asl qui en fait bid'atim, c'est le mal. المهم نعم قال رحمه الله قال فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا يعني شرعا يعني au niveau de la religion وقدرا فهذا je sais pas ce que je veux dire par là ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف العمل به Qadran, inshallah, je vais essayer de regarder le shurha, je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. Amma shar'an mahrouf, c'est-à-dire avec l'adilla min kitab wa sunnah. Wa qadran, je ne vois pas à quoi il veut faire référence. Inshallah, je vais creuser et je vais essayer de regarder. Inshallah, je ne vais pas faire attention à ça. Qala thumma sara hada al-asl, la ya'rifu 'inda akthari man yaddahi al-'ilm, fa kayfa al-'amalu bih. Même si jamais il ne connaît pas, il ignore, yani ce asl-là qui est muhim jiddan, fa kayfa yani ya'malu bih. C'est-à-dire que tu vas le voir, yani awwal al-kharijin. أول المظاهرين، ces personnes-là يعني qui ignorent ce asl-là ou bien qu'ils connaissent lakin الدنيا غلبت عليهم. La dunya a pris le pas sur eux et ils ne patient pas par rapport à cela. Et ça je l'ai pu le voir une fois يعني on était à Dar al-Athar يعني à Sana'a et dans le Maktaba ils commençaient à évoquer un peu par rapport يعني la situation du Yémen يعني le khuruj qui avait le hakim. Donc ils évoquaient un peu le zulm يعني qui se passait et ils se rappelaient la hadith par rapport à cela. Et ils sont passés sur le hadith wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. C'est tout là. Et ils sont en train d'écouter, de parler. Moi j'écoutais un temps. Et subhanallah, il y en avait un. Yani, bidhahir, c'était le ashab al-hizb al-jadid. Parce que la maktaba n'est pas loin de leur mosquée. Avec une barbe, subhanallah, tu vois le manzar. Yani, tu te dis, mashallah, celui-là il est d'être motemassek bi sunnah. Yani, tu vois, Bilmandar, lorsque d'apparence, il y a une barbe qui est presque jusqu'au torse, tu vois. Et il était costaud, il avait une bonne. Il lui donnait une bonne impression, le Mohim. Et lui disait, en gros, si jamais, en parlant d'Abdullah Saleh, si jamais il venait, l'ancien président, si jamais il venait à me prendre mon argent et tout, jamais de la vie, je riposte. Il a dit. Le frère, il a dit, mais subhanallah, yani, on te dit, le prophète a dit, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Il a dit, là, kulli shay ila al-mal. Pour te dire, tu vois, même si jamais, même il sait, on lui a rappelé, tu vois, pourtant, le hadith, il y en a plusieurs fois, malgré cela, abedan. Tu vois, c'est quelqu'un, Allah Alam, qui était un peu riche, si jamais il veut prendre l'argent, je riposte, abedan, je me laisse faire, je ne me soumets pas. Il a dit, kulli shay ila al-mal. Et c'est pourtant quelqu'un qui s'affilie à la sunna. Donc, Hizb al-Jadid, yani, entre parenthèses, qui faisait partie de Hizb al-Jadid. Non, mais ça peut te montrer aussi, yani, que la marcia dans cette fitna-là qu'ils ont fait, elle a touché certains, yani, d'autres personnes, yani, dans d'autres. Parce que c'est une marcia, yani, cette furqa qu'ils ont fait, cette division qu'ils ont fait, cette marcia, la marcia, elle appelle à une autre marcia, elle appelle à d'autres marcia, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, Allah musta'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la plupart des gens, fait le haqiqa, tu vas voir. Ils ont ce usul-là de khariji. Parce qu'il y a un hubbuhum lil mal. Et lorsqu'on touche à leur dunya, khalas. Là, les cornes sortent et les crocs, hein. Kadarika, ils les sortent. Allah musta'an.